sur le terrain, on avance, on tire. S'il y a une fusillade, on veut s'en sortir. Chétan fait la grimace, c'est rien, y'a pire. Mais gars, charbonne, y'a foyer, faut s'en sortir. Tu veux ton billet, moi je veux mon billet. Ils veulent leur billet, on veut nos billets. Va les coups briller, va les plier, va les coups briller, va les plier. Le mini minimum, le maniement des mots en millimillimètres. Ils sont trop longés que 20 piges quand je les ai vus naître. Cette année, je vais les choquer. Pas de problème, comment choquer. Vas-y, petit pas devant, ton boule faut bouger. Petit pas derrière, esquive, crochet. J'ai pas décroché, t'as qu'on m'appelle, j'ai pas le temps, faut empocher. Pour verser, c'est un peu cher. T'es usé comme aux enchères, enchères. Enchères et en shit, oh shit. Ce Neymar est impulsif, crucif. Comme l'arbitre face à Chelsea, imbécile. Si on taille un peu comme Messi, hostile. T'as reconnu le style, hostile. Faut taper les mains, taper, comme le Saint-Germain, flotter, flotter. Faut taper les mains, taper, taper. Comme le Saint-Germain, flotter, flotter. Ils font que nous copier, ils sont pas inspirés. Ils font que nous copier, ils sont pas inspirés. Ah non, t'es jaloux, avoue. Toujours posé, ça fume la bœuf verte à loup, à loup. Ça sort dans l'île, c'est pas d'ailleurs. Rappeur, reclé, plus russe à bon entendeur. Hater, j'ai pris de la hauteur. Pourtant, j'ai le vertige, mais sans, je suis l'auteur. Oui, y'a du prestige, j'ai fini rappeur. Je me suis investi, pensé au braqueur. D'ailleurs ou d'ici,